Question 35. Je me prépare à marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.